Wax Lab. NAP. Avec tout ce qu'on voit, qu'on sait tous, on veut pas nous dire comment vivre dans un monde où l'hypocrisie règne. Je voulais t'avertir, graduellement t'ouvrir les yeux. Le vrai danger, la bêtise, c'est vrai, pas besoin d'analyse. Mais quand je parle, qui m'écoute? De toute façon, il faut sauver coûte que coûte. Seul face à la mort, seul, comme pendant la naissance. Mais ils te disent qu'éternel est ton naissance. Tu parles de Dieu, ils rigolent, ils disent t'as trouvé l'obol, une aubaine. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout s'achète. Mais NAP, un autre concept. Parce qu'on sait qu'ici c'est Babylone, on se bat avant que le plan sonne. Quand l'esprit devient rempart, l'œil du cœur jette un autre regard sur ceux qui nous entourent. Cette vie en vrai n'est qu'un détour. Si seulement y'avait plus d'amour. Comme des robots faits dans le même moule. Si jamais un jour tu veux ouvrir les yeux, il faut d'abord que tu saches. La vérité gâche tout, devient pour nous aussi facile qu'envoyer un email. On nous fait croire que le bonheur se paye. Face à tout ça, le cœur bug. La vérité gâche chacun tout. Chacun son lot, tout se vaut, si le mal au bien équivaut. Être un être humain vrai, c'est tout rapport. Tout s'entremet, tout devient raccord. Vivre dans un monde où c'est pas pour le bon sens. Ce que tu vois, c'est ce que je vois, mais chacun avait son choix. Pour les conséquences, on verra une autre voix. Seul, perdu dans la foule, notre musique c'est de la soul. Chant de coton, usine, même moule. Bienvenue dans un monde où l'intérêt prime d'abord. Où le verbe se fait écraser par le plus fort. Lève ta main, si avec tout t'es d'accord. Contre l'ordre établi, besoin de renfort. Métropolis, les jeunes contre la police. Ferme les yeux, tu deviens complice. Juste à cause de notre quotidien, parce qu'on est des vauriens. C'est ça la cause. Le monde est paradoxe, c'est ténébreux. Mais je suis déjà trop loin, ils vont dire, mais ils t'abusent. Si tu milites, maintenant tu vont t'accuser. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est ma nature. Sur leur concept, j'ai toujours mis des ratures. Oh, je sais ce que l'État nous dit. Mais regarde un peu ce qu'on subit. Comme des fantômes en plein dans la matrice. Big Brother, on dépend de ses caprices. Mais qu'est-ce que tu peux faire, t'as pas de l'eau. Ce monde, il appartient pas aux pauvres. Malgré le progrès, en nous c'est chaotique. Notre histoire à nous, tu vois, c'est la zic. Parce que ce pas mon plaît, j'ai envie de me baisser. Si ça continue, imagine ma tristesse. Dans le monde.